Vous écoutez France Culture. Europe Connection. Europe Connection. De Alexandra Badea. Tu es allongée dans le king-size bed d'un luxueux hôtel international. Tu revois tes notes. Dans quelques heures, tu assisteras à la conférence européenne sur les enjeux semenciers. Tu as travaillé dans les bas-fonds de la Commission européenne pendant des mois, et maintenant il est temps de sortir à la surface. Tu vas frapper à ton endroit. Tu vas leur dire haut et fort qu'il faudra harmoniser. Uniformiser. Simplifier. Tout ça pour concentrer encore plus de pouvoir dans les 4-5 poches des industriels du monde. Ça te plaît, ça t'excite, ça te fait bander. Ton portable sonne. Tu décroches un peu inquiet. C'est le numéro de la maison de retraite où loge ton grand-père. Et tu t'attends à des mauvaises nouvelles. Pas maintenant. C'est pas le moment. T'as même hésité à répondre. Mais si tu le fais pas, tu seras encore plus paniqué plus tard. Et aujourd'hui, t'as pas la place pour des mauvaises ondes. Tu entends sa voix et tu es soulagé. Tu vas bien ? Je vais bien, et toi ? Ça va. Ça va ? Moi, je pense pas. Et ton papy se met à te hurler dessus de la hauteur de ses 92 ans. Tu comprends pas ce qu'il lui prend. Ça doit être les médicaments, tu te dis, pour te déculpabiliser d'un cran. Mais quand tu l'entends parler du patrimoine de l'humanité, tu comprends que c'est ton nouveau job qui lui pose problème. Et il commence à te parler de son jardin où il plantait tout seul ses graines. L'automne où il faisait sécher la meilleure semence pour la replanter au printemps. Parfois, il faisait des échanges avec les voisins du potager. Mais il n'a jamais acheté des saloperies. Et pourquoi il serait obligé de le faire maintenant ? Papy, tu lui dis. Tu n'achèteras rien car tu n'as plus ton jardin potager depuis 20 ans. C'est fini. Le monde a changé et nous avec. Le monde n'a pas changé depuis des siècles là-dessus, il dit. Les plantes poussent, on les aide à pousser, on se les transmet. C'est vous qui changez le monde pour vous le fourrer dans vos poches. Tu avales ton fou rire pour pouvoir lui répondre. Mais tu n'as plus le temps car il te dit « Ne reviens plus jamais me voir ». Et il raccroche. Tu es triste ? Quand un vieux dit le mot « jamais », ça a vraiment le goût du définitif. Tu voudrais le rappeler mais tu as peur de lui causer une montée de tension. Et qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Que tes crédits ont dépassé ta capacité de paye ? Que tes enfants doivent aller dans des écoles privées pour pouvoir réussir leur vie ? Que le monde a changé depuis longtemps, et que lui, il ne l'a pas remarqué car il a continué à lire des bouquins sur la résistance française et les guerres coloniales. Papy, arrête de te prendre pour Stéphane Hessel. Il vient de mourir. Et laisse-moi faire mon travail. Je t'ai demandé, moi, ce que t'as foutu en Algérie. Tu te calmes. Tu te calmes. Tu te calmes. Sous la douche, ça passe. Tu enfiles ton nouveau costard Armani et tu traces. Tu sors de l'hôtel et là, un cordon de manifestants altermondialistes braque ton passage. Une fille rasta vient t'agresser en te montrant une photo avec des paysans affamés du tiers-monde. Vous savez que les agriculteurs se suicident en Inde ? Ils n'ont plus l'argent d'acheter vos semences et vous leur avez volé leur patrimoine. À qui appartient la terre ? Tout de suite les grands mots. Les mêmes discours vendus sur Wikipédia. Mais qu'est-ce qu'ils savent ces gosses gâtés sur le monde, hein ? Il aurait été servi sur un grand plateau. Il s'empiffre et il gueule pour ne pas se taire. Il proteste par ennui métaphysique. Par paresse existentielle. Par frustration automatique. Tu essaies de pousser, de te glisser, de passer en vain, ça ne marche pas. D'autres lobbyistes arrivent, ils essaient de pousser, de se glisser, de passer, mais rien ne bouge. Les gosses gâtés sont plus forts que vous. Tu regardes ta montre et tu paniques. La conférence commence dans 10 minutes et vous êtes bloqué. Tu croises dans les couloirs de l'hôtel un plombier. Tu lui donnes un billet et il te file sa combinaison de chantier. Tu peux sortir maintenant. Tu croises encore quelques jeunes excités mais personne ne te regarde. Tu arrives à la salle de congrès, les gardes du corps te scrutent bizarrement. Mais ton badge passe et c'est l'essentiel. Personne ne peut t'interdire l'accès à cause d'une combinaison de chantier. Les fonctionnaires européens sont morts de rien, mais tu fais ton show. Tu places tes idées et tes intérêts. Et ça passe. Tu les as dans la poche de ta salopette d'ouvrier qualifié, qui touche sur un mois ce que toi t'as encaissé en 2 heures. Une fois rentré à ton hôtel, plus aucune trace de manifestants. Ça s'est calmé. La révolution s'arrête en Europe à l'heure de l'apéro. Tu as un sourire tendre pour cette génération paumée. Et tout ce que t'espères, c'est que tes enfants n'en arrivent pas là. Ton chef t'appelle pour te féliciter. Les retours sont bons. Tu auras une prime et un nouveau dossier. Bienvenue dans le monde des pesticides. Lobby ouvert. 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. On veille sur l'avenir de votre monde. Europe Connexion.